Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, L'usage du fleuve, une série de Martine Abatte réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a le plaisir de marcher au bord de l'eau, celui de l'eau douce et des courants. Il y a cette joie de traverser un pont, de faire sonner ses pas et d'entendre sa voix répercuter sous les arches. Et il y a ces rubans qui traversent nos villes et vont à la mer et ces cités qui s'organisent autour du fleuve. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne du peuple de Paris, une autre du fleuve, des lavandières, des porteurs d'eau, des dérouleurs, des lâcheurs, des coltineurs, des déchireurs, un marinier amer, des amis dans leur cabane, un ingénieur et des noyés. Ensuite le décor. Des dindons, des moutons, des bateaux lavoirs, des bains publics, des tonneaux, des abattoirs, l'Escaut, l'Oise, un moulin, une pompe, le port de Gennevilliers, des tunnels, une barge et la Hollande. Aujourd'hui, deuxième épisode, et si on allait sur la Seine ? On dit que les princes venaient visiter les sources ou s'approchaient des sources pour apprendre les secrets de la nature. Ce qui passe devant nos yeux, là, c'est pas H2O, c'est H2O plus la vie. On a un horizon immense, immense. Donc c'est une rivière qui avait du style. Les rivières, et même les petites, sont des personnes. L'usage du fleuve. Je m'assois et je regarde. Vivre avec le fleuve. Si Paris est la capitale, grande métropole européenne et la capitale de la France, c'est pas par hasard. C'est la géographie qui a dicté ce rôle. Alexandre Lalande, historien. Se trouve aux confins des grands fleuves, la Seine, l'Yonne, la Marne, pour l'Est, l'Oise en aval, l'Oise qui met en relation avec le bassin de l'Escaut. Donc le nord industriel. Donc c'est vraiment le nœud stratégique, le centre de gravité du réseau hydrographique du nord de la France. Décrire Paris au XVIIIe siècle, c'est presque impossible. C'est un décor qui est vraiment particulier au sens où il allie à la fois la nature, beaucoup de nature. Paris est vraiment à cette époque-là mi-urbain, mi-rural. Arlette Farge, historienne. Il y a des élevages de moutons, etc. Et autour des églises, il y a des pâturages. Et donc c'est un endroit extraordinairement, il est plus que vivant. Il est remuant, il est empli d'un tohu-bohu fantastique où se mêlent tous les bruits du monde. Les bruits les plus funestes jusqu'aux bruits les plus agréables, les chansons, les danses, etc. Donc c'est un lieu extraordinairement diversifié. Je sais bien qu'aujourd'hui il l'est aussi, mais pas autant qu'il l'était au XVIIIe siècle. Paris est né parce qu'il y avait la Seine et parce que c'était un port. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas de transport de masse. Donc le seul transport de masse existant, c'était la batellerie. Si on voulait transporter du blé en quantité, du bois en quantité, du bois de chauffage, du bois de construction, des pierres de construction, etc. Seul le bateau pouvait le transporter. Par route, on pouvait transporter des matériaux plus légers, plus complexes parfois, mais c'était plus dangereux parce que bon, il y avait du brigandage. Il y avait un peu de piratage aussi sur les fleuves, mais c'était quand même plus sécurisé. La Seine, c'est comme une aorte, c'est l'artère de la capitale. On nourrit et on vend, on amène de quoi manger, mais aussi de quoi s'installer, de quoi des habits, du linge, enfin toutes les fournitures. Toutes les marchandises qui arrivent par bateau sont vendues dans les bateaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un trafic de gros, où ensuite les marchandises seraient vendues au détail dans des marchés dans Paris. Isabelle Bacouche, historienne. Quiconque veut acheter du vin, un peu de charbon, un peu de céréales, doit se rendre sur un port de Paris et faire ses emplettes. Donc c'est un lieu extrêmement fréquenté, puisque les bateaux se transforment en magasins. Donc ça participe de la grande animation et finalement de la très grande proximité, familiarité entre tous les Parisiens et le fleuve. C'était régulièrement en bloquant la navigation qu'on prenait Paris. Il y a une présence animalière qu'on ne peut pas imaginer de nos jours. C'est-à-dire tous les jours viennent de la campagne des troupeaux entiers, les troupeaux de vaches, les troupeaux de moutons et surtout les dindons. Qui font des bruits fantastiques. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, l'immense nombre des chevaux, chevaux de carrosse, chevaux des cochers, etc. Donc, ça fait du bruit, tout ça. Ces animaux, on les retrouve beaucoup en bord de Seine. Mais alors, ces animaux, il faut qu'ils boivent. Donc, en effet, les chevaux, bien sûr, ils vont boire dans l'eau de Seine. Ce qu'on retrouve beaucoup sur les bords de Seine, c'est... Pour des raisons moins, c'est là qu'ils vont être écariés et tués. Ce sont les abattoirs, au fond, qui sont rue du Roi de Sicile, qui est une rue qui est près de l'hôtel de ville pour aujourd'hui, où ils vont être écariés, tués. Alors, il n'y a pas d'abattoir. Hein. Ils travaillent à nu, hein, c'est-à-dire sur le bord de la rivière. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de bâtiment. En plus, les déchets sont lancés dans la Seine. Et il y a le sang qui rougit la Seine, qui se mélange au sang des moutons qui viennent des tanneries de la rue de Bièvre. Et bon, là, ce sont les endroits les plus glauques, je dirais les plus insalubres, les plus maudits. La moitié de l'eau qui est bue par les Parisiens provient de la Seine. Elle est transportée chez les gens par des porteurs d'eau. Il y a très très peu de fontaines dans Paris. Enfin, on boit l'eau du fleuve. Ah, c'est dégoûtant. Mais ils boivent du vin aussi, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin. Mais il y a aussi des pompes, la pompe de la Samaritaine et la pompe du pont Notre-Dame. Donc il faut imaginer des édifices sur les ponts qui distribue l'eau ensuite dans des fontaines et puis pour la Samaritaine surtout dans les édifices, enfin notamment au Louvre. Mais elle est transportée comment par ces porteurs d'eau ? Alors ils ont une, faut imaginer qu'ils ont une grande barre sur le dos et aux deux extrémités de la barre il y a deux tonneaux. Donc ils remplissent ces tonneaux et ensuite ils se promènent. Alors en général chacun a un peu son périmètre et ils distribuent l'eau à domicile. Il y en a aussi qui descendent les rampes, qui existent d'ailleurs toujours hein, au bord de la Seine, les rampes en pente douce, pour aller avec une charrette, alors là remplir plusieurs tonneaux, donc là c'est une capacité un peu plus grande, c'est on va dire un peu plus moderne. Ces rampes d'ailleurs qui descendent sur la Seine à l'époque sont aussi très utiles, elles desservent finalement des abreuvoirs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque on se transporte surtout à cheval et que les chevaux doivent boire. Donc il y a 19 abreuvoirs qui occupent donc une place qu'il faut laisser libre au bord de la Seine. Ces bords de Seine, ils ressemblent à quoi ? Alors ben, en fait ils sont sablonneux, ils sont meubles, ce sont des grèves. Je ne vais pas dire des plages, parce qu'elles sont trop sales, mais c'est du sable. Ce sont des lieux qui sont avec des buissons, de la nature qui pousse, des petits arbelets, etc. Aucune construction de pierre qui soit faite. Il n'y a pas beaucoup de ponts hein, à Paris en plus, il n'y en a qu'une dizaine. Les bateaux, ils accostent comme ça sur la berge. Le lit de la rivière est sauvage. Ah ben, il est complètement sauvage et c'est bien un problème parce qu'il y a bien souvent des inondations, des flots catastrophiques. Et les intempéries sont très redoutées. L'hiver, si c'est gelé, c'est terrifiant parce que plus aucun commerce peut se faire par les bateaux. Et la Seine a gelé plusieurs fois au XVIIIe siècle. La mort du fleuve, c'est la mort de Paris. La Seine que l'on voit aujourd'hui, elle est régulée, on a l'impression que c'est la même à peu près toute l'année. Mais dans le passé, c'était l'été par exemple, cet été qui a été très sec, on aurait vu qu'un petit filet d'eau, on aurait pu quasiment la traverser à pied. Un peu comme la Loire, si vous êtes allé dans la Loire, c'est un peu ça, avec des bancs de sable, de l'Antiquité jusqu'à aux alentours des années 1830, on pouvait naviguer à peu près 160 jours par an, avant les grands aménagements du 19e. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la navigation était quasiment bloquée jusqu'au 19e siècle. On ne pouvait pas traverser Paris. C'était très compliqué. Il y a quand même du courant entre les ponts et aussi les moulins. Il y avait des moulins dans les ponts. Donc il bloquait la navigation et ça créait aussi des effets de courant mais aussi de sédimentation. À certains endroits s'obstruaient la navigation. À tel point par exemple que le petit bras de la Seine aujourd'hui, au niveau de la cité, était quasiment pas navigable. Comme on pouvait difficilement, voire quasiment pas traverser Paris, en fait, ça a renforcé le rôle de Paris en tant que centre de gravité. Ça veut dire que les bateaux arrivaient de l'amont et n'allaient pas plus loin. Et ceux qui voulaient venir de la mer et du Havre remontaient jusqu'à Paris et n'allaient pas plus loin. Ou les bateaux qui pouvaient arriver aussi du nord de la France, hein, via l'Oise et les canaux. Ils pouvaient avoir aussi, par exemple, des ruptures de charge. C'est-à-dire qu'on pouvait descendre une rivière du nord, l'Escaut par exemple, ou l'Aisne. Et puis après, on faisait une rupture de charge et on reprenait l'Oise. Et on descendait jusqu'à Paris. Comment est-ce qu'on faisait pour le remonter ? En fait, on le descendait surtout. Hein, parce que la remonte, avant les grands aménagements, était très complexe. C'était le halage, souvent humain. Pour avoir du halage animal, il faut déjà avoir un fleuve relativement aménagé pour pouvoir créer un chemin de halage. Donc ça nécessite certains passages avec du courant, nécessitait parfois 40 hommes ou 40 ou plusieurs chevaux. Donc c'était très complexe. Et notamment aussi le passage des ponts. Parce qu'il y a un courant qui est créé par les arches. Donc depuis le Moyen-Âge, il y avait un service particulier, c'était les maîtres de ponts, qui étaient chargés de faire passer les bateaux sous les ponts. Alors le problème, c'est que souvent, bon, c'était un péage déguisé, voire un peu de rançonnage quoi, pour passer les ponts. Si les bateaux descendent surtout, qu'est-ce qu'on en fait s'ils ne remontent jamais ? À l'époque, on recyclait, parce que c'était trop cher le plus souvent de ramener des bateaux, donc souvent on les déchirait sur place, sur l'île Louviers, qui se trouve à peu près en amont de l'île Saint-Louis. Alors c'est une île qui n'existe plus, mais qui était chargée de recevoir le bois, donc il y avait d'immenses tas. Et donc, on déchirait et on s'en servait pour soit la construction, soit le bois de chauffage. La Seine, c'est une frontière entre deux rives. Il n'y a pas tellement de ponts pour passer. Donc, la Seine, elle est très peuplée. Elle aussi. Elle est peuplée à la fois des bateaux qui viennent de province et qui vont apporter tous les fournitures dans tous les ports, le port au blé, le port au savon, le port, il y a un port aux éponges aussi, bon, tout le matériel dont a besoin la ville. Donc des gros bateaux qui arrivent et qui viennent là se faire décharger, donc avec un nombre d'ouvriers, de travailleurs extrêmement présents constamment. Mais il y a aussi, puisque c'est assez difficile d'aller d'une rive à l'autre, il y a toutes sortes de bateaux. Il y a des passeurs qui se font payer assez cher d'ailleurs pour le passage. Il y a des bateaux promenades pour les plus aisés. Et il y a aussi les fameux classiques qui font partie de toutes les gravures, les bateaux lavoirs avec les blanchisseuses qui sont 40 par bateau. Elles lavent le gros linge tous les hôtels de Paris. Bon, ben, c'est un métier tuant, hein. Moi, j'imagine même pas comment ils font. C'est pas la lavandière, la jolie lavandière qui chante. Ce sont des femmes massives, fortes, toujours sous les quolibets de tous. Elles parlent entre elles, elles parlent fort. Elles savent tout, parce que quand vous lavez l'âge de quelqu'un, vous connaissez tout sur sa vie. Donc, c'est d'elles dont partent les rumeurs. Donc, elles sont craintes aussi. Alors pour la propreté, il y a aussi les bateaux à lessive. Alors là, c'est encore plus important comme emprise. Il y a à peu près 80 bateaux. Il faut imaginer qu'en gros, on va de ce qu'est le pont d'Austerlitz aujourd'hui jusqu'au Louvre. Hein. C'est à peu près les limites de la ville. Donc 80 bateaux qui sont souvent couplés deux par deux ou quatre, qui accueillent chacun 20 blanchisseuses. Donc les blanchisseuses payent un droit pour y aller. C'est-à-dire que les blanchisseuses, elles lavent leur linge ou elles lavent le linge des autres ? Non, c'est un service public, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer le linge chez les Parisiens. Il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas l'eau dans les maisons. Et donc elles payent un droit d'entrée et leur client, c'est le petit peuple de Paris. Ça, on le sait parce qu'à un moment donné, il y apparaît des entrepreneurs qui proposent de modifier ces bateaux, de proposer de l'eau chaude, de les moderniser. Et là, immédiatement, il y a des résistances qui disent « Ah ben oui, mais si vous modernisez les bateaux, ça va augmenter le coût d'entrée pour les blanchisseuses et donc le coût du nettoyage. » Or, il est bien dit que c'est le petit peuple de Paris qui donne son linge à laver, sachant que les classes, les catégories sociales les plus aisées faisaient laver leur linge en dehors de Paris, dans des eaux de rivière probablement plus pures. Donc quand on veut un linge fin, extrêmement bien nettoyé, on l'envoie à 30 ou 40 kilomètres, voilà, en dehors de Paris. Mais ça veut dire quand même qu'on se préoccupe que le petit peuple ait du linge propre. Oui, et on craint, alors en plus, plus on va aller vers la fin du siècle, je ne dis pas qu'en 1760, on sait qu'il y aurait une révolution française en 1789, mais on ménage quand même ces catégories sociales modestes. Il y a quand même des soucis de vie quotidienne et de subsistance, des impôts qui s'accumulent. Donc là, on considère que c'est un service qui doit rester au même prix et surtout pas augmenter. On a gardé des noms assez folkloriques, les coltineurs qui assuraient le transbordement du charbon, les dérouleurs qui s'occupaient du vin, tout simplement dérouleurs parce qu'ils faisaient rouler les tonneaux, les malfrats pour le plâtre, les déchireurs qui étaient chargés de déchirer les bateaux, c'est le fameux ravageur. Alors eux, ils étaient chargés de ramasser les objets métalliques un peu précieux qui étaient tombés. Et ceux qui font passer le bois flotté, ce sont les lâcheurs. Il ne faudrait pas croire que la Seine n'était pas aménagée avant l'ère industrielle. Il y avait déjà des modes d'aménagement hétéroclites, un peu primitifs. Il y avait ce qu'on appelait des pertuis, qui étaient des barrages qu'on établissait sur le fleuve, ce qui permettait de faire monter le niveau de l'eau. Et on procédait à une ouverture, un lâcher. Donc voilà, ça vient de là qu'on dit lâcheur. Les lâcheurs. Il y a aussi, vous savez, alors ça c'est très particulier, des bateaux qui sont remplis d'une farine spéciale. Cette farine, elle est destinée à être employée pour être soufflée doucement dans les perruques des aristocrates. Et il faut savoir qu'à une certaine époque, il y a eu, c'est en 1777, 200 hommes et femmes qui ont écrit au roi. Parce qu'on était en une époque de disette et qui se sont ont fait une petite émeute assez violente contre ces arrivées de bateaux en disant « On est en pleine disette et vous nous amenez des farines pour les perruques des aristocrates ?» Et puis, il y a aussi les bateaux, les coches d'eau, ce qu'on appelle les coches d'eau, qui sont vraiment très nombreux. En fait, il s'agit de bateaux aménagés de telle façon qu'on puisse mettre des enfants nouveau-nés, abandonnés, qui viennent de l'hôpital des enfants trouvés, et qu'on va mettre en nourrice, en province, en somme, où ça coûte moins cher qu'à Paris. Ils sont aménagés, je disais, en une sorte de petit casier de bois où le bébé emmailloté est tenu debout, comme ça, par le maillot. Il y a une sage-femme au bout du coche d'eau qui a du lait de chèvre et surtout du vin pour nourrir ses enfants, avec une mortalité infantile extrêmement grande, et c'était un crève-cœur pour les parents. Il y a aussi des ouvriers, des artisans qui n'ont pas assez d'argent pour donner leur enfant en nourrice à Paris et qui vont les mettre dans ces bateaux et les envoyer à une nourrice. Et là, il y a ces choses que moi j'avais retrouvées, je peux pas dire autrement qu'avec vraiment émotion, c'est-à-dire que les parents prennent un morceau de tissu qu'ils coupent en deux. Ils agrafent la moitié sur le linge de l'enfant et gardent l'autre moitié pour eux, pour être sûr que quand l'enfant reviendra, si l'enfant reviendra, il puisse être connu. Tout ça, ça se passe au port Saint-Paul. Ils partent tous les deux jours et jusqu'à 40 à 45 enfants, voilà, entre eux. Dans des petits casiers. Dans des petits casiers de bois. On s'y baigne aussi. On s'y baigne de plusieurs manières, c'est extrêmement contrôlé, il y a évidemment beaucoup d'infractions. On s'y baigne quand il fait chaud, on s'y baigne pour s'amuser, les jeunes aiment bien aller dans l'eau, se rafraîchir et puis passer du bon temps. En général nu, donc évidemment ça c'est réprimé. Donc la ville essaie de cantonner cette baignade et elle autorise des bateaux de bain qui s'installent alors autour de l'île Saint-Louis, sur le quai d'Orsay, au pied du Louvre. Il y a plusieurs établissements. Alors, et il y a aussi plusieurs types de bateaux, c'est-à-dire qu'on retrouve une sorte de hiérarchie sociale en fonction du luxe, on va dire, ou des agréments proposés par les bateaux de bain. Le bateau de base, c'est juste un bassin avec des palissades, bateaux d'hommes et bateaux de femmes distincts, avec un prix d'entrée très modique. En plus, on se baigne à la fois dans ces cas-là pour s'amuser, mais aussi pour se laver. Les deux vont ensemble. Et après, il y a aussi des bateaux, notamment autour de l'île Saint-Louis, le Sieur Turquin, les bains chinois. Alors là, on a des bateaux avec des cabines individuelles, un peu d'eau chaude, des onguents. C'est un peu plus chic, c'est pas la même clientèle, mais c'est quand même toujours l'eau de la Seine. Donc, une grande palette de possibilités pour se baigner dans la Seine, et les Parisiens se baignent dans la Seine. Ils se noient aussi, d'ailleurs, beaucoup dans la Seine, oui. Oui, parce que un des entrepreneurs qui avait un bateau de bain, à la fin des années 1780, va mettre en place une école de natation. Et son argumentaire pour convaincre les autorités, c'est que, alors on est déjà dans, on va dire, le souffle de la Révolution française. En tout cas, il explique que pour que tous les citoyens soient égaux, il faut qu'ils sachent tous nager. Donc ça justifie l'autorisation qu'on doit lui donner. Donc il y a beaucoup de Parisiens qui manquaient de se noyer dans la Seine. Il y avait quelque chose, ce sont ce qu'on appelle les filets de Saint-Cloud. Des grands filets qui ont été dressés dans la Seine, proche de Saint-Cloud. Donc là, en aval de Paris. Pour pouvoir retrouver tous ceux qui n'auraient jamais été rattrapés, les noyés qu'on n'a pas pu rattraper. Aller au filet de Saint-Cloud, c'était aller chercher quelqu'un qui avait disparu. Paris, c'est une population de à peu près, alors très difficile à savoir, mais je pense que c'est 600 000 habitants. Donc à la pas fin fixe, du 18e. Hein. Oui, c'est ça. 600 000 habitants, c'est beaucoup. Hein. Donc c'est très resserré, ils vivent vraiment dans la promiscuité. C'est quelque chose dont ils se plaignent, c'est quelque chose de très fort, de très ressenti en tout cas. Et oui, 600 000 habitants, mais alors qui bougent tout le temps, qui vont, qui viennent, qui reviennent. Et vous voyez ces bateaux qui arrivent de province, les ouvriers qui sont sur les bateaux. Ben, ils parlent auvergnat, ou ils parlent le jurassien, ou ils parlent la languedoc, ou ils parlent le picard. Et ils ont très souvent, et on le voit dans les archives de police, besoin d'interprètes. Au départ, ils ne se comprennent pas. Il y a plusieurs langues à la fois. Voilà, c'est aussi un peuple de migrants, Paris. Parce qu'il y a tout l'exode rural, et ils arrivent comme ils peuvent, soit à pied, bien sûr, mais ils arrivent aussi par ces bateaux. Et certains des ouvriers restent en se disant qu'ils vont pouvoir mieux gagner leur vie qu'en province. Donc c'est aussi une population de migrants, ce qu'on a oublié, je crois. Est-ce qu'ils viennent aussi parfois pour peu de temps, pour une saison ? Ils viennent pour une saison, ils vont quitter, ça va être ou l'homme, ou le mari, ou la femme qui va quitter sa famille qui est en province et qui va venir pour la saison. Qui donc, pour survivre, va vivre en concubinage à Paris, ce qui est interdit et toléré. Et donc, effectivement, on peut dire que Paris est rempli d'une population nomade. Un long processus. On n'est pas en 1850, on dit tiens, c'est la révolution industrielle, on va tout changer. En fait, il y a déjà une volonté dès le 18e siècle de régenter les quais de la Seine, qui étaient des marchés, bon, c'était un peu la foire, et il y a une volonté de monumentaliser Paris. Donc on aménage les quais, mais en même temps, on a le projet d'éliminer certaines activités pour les rejeter en dehors des rives de la Seine. L'idée aussi qui va, enfin les idées qui émergent au XVIIIe siècle, et là on a un renversement de perspective sur finalement l'analyse du milieu urbain et ce qu'est la ville à l'époque. L'argument par exemple de la salubrité va être de plus en plus revendiqué. Il faut chasser quelques-unes des activités sédentaires. Il y a des tripiers, par exemple, qui cuisent leurs tripes, qui les lavent d'abord et qui les cuisent au bord de la Seine. Il y a des teinturiers qui continuent à travailler leurs tissus au nord de l'île de la Cité. Ce qui émerge de plus en plus, c'est l'incompatibilité entre toutes ces activités artisanales et économiques et le bien-être dans la ville, ainsi d'ailleurs que l'esthétique de la ville. Par exemple, dans les années 1780, on trouve des correspondances qui disent que c'est plus tolérable de laisser des bateaux de blanchisseuses au pied du Louvre, alors qu'elles y sont depuis au moins le XVIIe siècle. Et là, il y a une incompatibilité qui leur saute aux yeux et qui fait que... Ça fait mauvais effet. Voilà, il faut préserver. Donc on rentre aussi dans une autre façon de présenter la ville. On voudrait que la ville soit monumentale, qu'elle soit donc finalement un peu désincarnée, hein, pour au contraire offrir une jolie vue sur le Louvre et les Tuileries sans qu'on voit toutes ces blanchisseuses circuler avec leur linge, les draps étalés, tout ça, c'est jugé indigne ou finalement incompatible. Et ça, c'est assez nouveau au XVIIIe siècle. Et c'est ça aussi qui va à la fois les sensibilités, les mentalités se modifient et on considère qu'il faut mettre en place des priorités. Donc ces priorités, c'est un milieu de plus en plus sain, le choix effectivement de dégager le fleuve pour qu'il soit le plus beau possible. Et en fait, c'est le critère du beau qui change, hein. C'est-à-dire qu'avant, on ne considérait pas que les blanchisseuses faisaient mauvais effet. Et puis, il y a un troisième argument aussi, c'est la nécessité de circuler. Alors, c'est vrai que Paris est une ville très embouteillée par des charrettes, par toutes sortes de trafics, c'est très impressionnant. Donc, on veut mieux circuler entre la rive droite et la rive gauche. À l'époque, il y a quand même qu'une dizaine de ponts. Et ces ponts sont construits avec des maisons, donc il faut imaginer que la chaussée pour circuler, elle n'est quand même pas extrêmement large. Donc circuler dans la ville de part et d'autre de la Seine, mais naviguer aussi de façon plus commode et plus rapide sur le fleuve. On veut favoriser la navigation. Voilà, ça va être le tournant assez décisif. C'est l'idée qu'on va finalement dédier la Seine à un seul usage, et là, finalement, on bascule du mot usage au mot fonction, c'est-à-dire que sa fonction primordiale, ça sera la navigation. Et pour mieux naviguer, eh bien, il faut enlever tous les obstacles, c'est-à-dire tous les bateaux. Par exemple, le pont Notre-Dame qui avait 7 arches, il n'y avait qu'une seule arche possible pour les bateaux. Le reste, c'était la pompe, un moulin, les filets. Donc voilà, on a un pont qui offre 7 arches et il n'y en a qu'une seule qui est praticable pour la navigation. Le rôle du fleuve, du coup, change d'échelle, c'est-à-dire qu'on va donner la priorité à la navigation qui ensuite doit produire ses effets à l'échelle nationale, c'est-à-dire pour donc faire circuler des marchandises. Au contraire, on renonce finalement aux services urbains que la Seine pouvait rendre à tous les habitants. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Alors, ça va résister. Ça, J'allais vous le dire, parce que est-ce que ça participe pas aussi à la colère des gens, le fait qu'on les dépossède comme ça de ce fleuve, qui est nourricier, qui les fait travailler, qui les fait vivre? Alors ça fait partie aussi de mon souci dans mon enquête, c'était d'écouter tous ces Parisiens qui travaillaient sur le fleuve et qui voyaient pas du tout d'un bon œil le fait d'être chassés. Alors du coup ils s'expriment, si on cherche bien on trouve des mémoires, une marchande de loterie qui veut pas partir parce qu'elle est installée au bout du pont Neuf et que elle vendait des billets de loterie. Et évidemment au débouché d'un pont, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de ponts, donc nécessairement il y a forcément beaucoup de monde qui franchit le pont, et donc là elle a beaucoup de clients. Donc, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas quitter les bords de la Seine parce qu'ils ont besoin de l'eau. Les teinturiers, les tripiers, ils ont une raison technique, c'est-à-dire ils ont besoin de... Il y a aussi le caractère parfois ancestral, comme les habitants des maisons sur les ponts. Il y a aussi des boutiques, hein, au pied des maisons qui sont sur les ponts. Donc des boutiques sur le pont Notre-Dame, c'est plutôt des boutiques qu'on qualifierait de luxe aujourd'hui. Des orfèvres. Des orfèvres, des marchands de tissus. Des graveurs. Voilà, donc c'est un haut lieu du commerce parisien. Et ces gens-là ne considèrent pas qu'il faut qu'ils s'en aillent. Donc pour des raisons très variées, les gens veulent rester, tous ces Parisiens qui ont un intérêt professionnel artisanales veulent rester au bord du fleuve et ils vont résister. Mais comment ? Alors, comment ils résistent ? Bon, d'abord, ils écrivent un mémoire, ils implorent le roi, ils disent qu'ils sont là depuis Philippe Auguste. Ils sont plus ou moins, évidemment, armés. Et c'est vrai que quand on est une petite marchande de loterie, on écrit un mémoire et puis, en fait, on n'a pas gain de cause. Ce que vont essayer les propriétaires des maisons sur les ponts, c'est de justement former un collectif pour être un peu plus fort face à la menace d'expulsion. Mais ça ne va pas du tout marcher. La destruction des maisons sur les ponts, elle devient effective dans les années 1780, alors que la ville et le roi n'ont absolument pas d'argent. On sait que la crise financière a quand même participé au déclenchement de la Révolution française. Malgré cette indigence financière, ils vont quand même lancer les travaux en 1785, ce qui montre quand même la détermination à mettre en œuvre ce nouveau profil du fleuve dans la ville. Elle n'a pas de soucis. Est-ce la coule douce, le jour comme la nuit, et s'en va vers le Havre, et s'en va vers la mer, en passant comme un rêve au milieu des mystères de Paris. En tout cas, donc, cette identité, elle va peu à peu s'effilocher, hein, et on va tourner le dos au fleuve. Le fait de chasser les activités sédentaires, il faut imaginer que le balai, hein, des porteurs d'eau, des blanchisseuses, et puis il y avait aussi toutes ces réjouissances, des feux d'artifice, donc il y avait des joutes, il y avait des tas d'occasions pour aller au bord de la Seine. Progressivement, tout ça va être éliminé. Il y avait des berges en pente douce, on va remplacer ça par des quais maçonnés. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le 19e siècle, on va aussi creuser finalement le lit de la Seine, à la fois pour pouvoir faire naviguer des bateaux un peu plus importants, avec l'idée aussi de préserver quand même la ville des crues, hein, même si en 1910, on a vu qu'on était loin d'avoir réussi à protéger Paris. Et donc, progressivement, enfin, le fait de creuser le lit de la Seine, ça produit un autre effet, c'est que ça fait descendre finalement le niveau de l'eau, et ça disjoint le niveau du sol urbain du niveau de l'eau. Et donc, finalement, ça crée aussi une distance physique. Aujourd'hui, si on se balade sur un bateau mouche, on nous dit « vous voyez l'obélisque de la Concorde ?» Eh bien, l'obélisque, on ne le voit pas. Et puis, j'ai envie de dire, l'étape finale, ça sera quand même la construction des voies sur berge. Où là, le fait qu'il y a un rideau de voitures continu, c'est quand même assez dissuasif pour aller baguenauder au bord du fleuve. Là, c'est fini. Là, c'est la rupture consommée et finale. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train d'essayer de faire, finalement, c'est un peu de rembobiner le film ou de recoudre ou de retisser des liens entre les Parisiens, ou les touristes d'ailleurs, et la Seine. C'est simple, hein. Ici, là, t'as la partie moins comme ici. Alors, la cuisine ? Ouais. Ma chambre. Votre chambre ? Ouais. Ça fait quoi, 10 mètres carrés en tout ? Oh, je sais pas, j'ai jamais calculé, mais ouais, on doit être 10, 12, ouais. Ouais. 10, 12 mètres carrés. Et vous avez un frigo, un four ? Une télévision. Tout ça, c'était racheté, hein. Faut pas oublier la crue. Bah, la crue qu'il y a eu l'année dernière. En 2016 ? Ouais. Bah, l'eau, elle est arrivée là. L'eau, elle est arrivée ici. Ah ouais, tout donc tu imagines tout, bah, ouais, tout ce qu'il y avait là. Tout ce qu'il y avait ici, bah, tout, on a tout jeté. Tout nettoyé aussi. C'est un sacré boulot de nettoyer les cabanes au jet d'eau. Hein. Ça le dit, moi. Moi, ici, par exemple, j'avais. Il y avait la machine à laver, le frigidaire qui flottait. La friteuse, elle s'est renversée. Donc, il y avait de l'huile sur les murs et tout. Je t'ai dit, bah, le bordel. Au moins qu'on peut nettoyer, c'est pas grave. Mais j'ai un ballon d'eau chaude. Hein. Je suis le seul à avoir la douche aussi ici. Jackie et Alain, qui vivent sous le pont d'ici Val-de-Seine, à Paris. Tu veux du lait avec le café ? Non, je veux du sucre. Si ouais. Ça fait des vagues, hein ? De la tour TF1. TF1 et Canal+. Ici Val-de-Seine, l'île Saint-Germain. Et vous, vous êtes installé de part et d'autre du pont sous la voie de circulation. Ouais, c'est ça, à droite et à gauche. Vous avez construit vos cabanes sous cette voie de circulation. Ouais. Sous ces alcôves. Il y a une cabane par pilier en fait. Mais c'est pour la crue. Ça s'adosse à quelque chose de solide. Sinon, si tu le mettais dans le vide, bah, comme il y a eu la crue par exemple, bah, les cabanes les auraient été emportées. On est juste au bord de la Seine. C'est hyper agréable en été. Et l'hiver? Oh bah, l'hiver, ça va. Moi, ça me plaît. Moi. Non, parce qu'il y a quatre couches hein, maintenant ici. Hein. Moi, j'ai mis du polystyrène. Et vous chauffez? Ouais, électrique. Vous êtes branché sur le secteur? Vous êtes... Non, on est branché sur une péniche. Et l'eau, c'est pareil, c'est une péniche qui nous la donne. Elle sait combien vous consommez? Ben, on a un compteur. Et moi, je récupère de l'argent quand je fais le relevé du compteur. Et donc, ça se passe bien avec les péniches, là, qui sont là, les gens qui habitent là? Oui, oui, oui, oui, mais on n'a pas plus de rapport que ça. Mais oui, c'est un bon voisinage, qu'on va dire. Et où est-ce que tu trouves les matériaux pour construire ta cabane? Récupères? Ah ouais, ouais. On fait que ça, ici, récupérer. T'as un revenu, toi? Ouais, le RSA. 530... Non, il a augmenté. 543, je crois, maintenant. Avant, ouais, j'étais dans le bâtiment. J'ai même travaillé pour une mairie pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, comme je voulais pas passer mon permis, j'en voyais pas l'utilité, ils m'ont dit, bah, au revoir. Bah, vous conduire? Ouais, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu faisais pour cette mairie? J'étais à la voirie. Les routes, les trottoirs, les poubelles aussi, on faisait beaucoup. Ouais. C'était pas très passionnant. Je te rassure. Je suis tranquille ici. Avant, je retapais la cabane. Maintenant, j'ai pu la faire parce qu'elle est finie. Et sinon, bah, je fais des petits boulots chez les gens dans le 16e. Là. Électricité, tout ça, ouais, ouais. Quand ils ont besoin, ils m'appellent, ils ont mon numéro. Ils savent que tu es SDF? Non. Non, non, non. Oh, parce que les gens, après, ils ont une appréhension. Après. SDF, c'est voleur, ça veut dire... Enfin, c'est une mauvaise connotation, en fait. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est les deux derniers. Armel et Clément. 23 et 21, ma fille. Tu les vois souvent? Non, plus maintenant. Les petits bébés. Ils savent que t'es retourné sur le quai? Non. Non, non, non. Je préfère pas qu'ils le sachent. Ils venaient tout le temps ici. Leur mère, elle habitait à Malakoff. Et elle travaillait à Canal+, justement. Et elle faisait beaucoup d'horaires de nuit. Et bien souvent, j'allais les chercher. Ou je dormais à Malakoff chez elle. Et puis le week-end, ils passaient ici. Tout le week-end. Ah ouais, c'est ça. Et ils dormaient dans ta cabane? Mais pas dans celle-là. Celle que j'avais avant là-bas. Celle que j'ai construite de mes mains. Si tu veux, je peux te montrer une autre cabane. Va voir. Il y a combien de personnes qui habitent sur le quai ici? 14. 13 ou 14. Roumains, Polonais, Français. Je te présente Alain. Tu vas voir sa cabane, attention. Elle est belle? Il l'a jamais nettoyée. Il y a quelqu'un? Je t'amène de la visite. Bonjour monsieur. Eh mais lève-toi, viens te serrer la main quand même, feignant, va. Ta gueule. Vous écoutez la radio? Oui, bah j'ai et il fait faire, des mots croisés. J'ai que ça à faire. Non, c'est pas des mots croisés, tu m'énerves. Tu fais plus de mots croisés? C'est des mots croisés. Ah oui, oh, oh. Vous écoutez oui. Quelle radio? Bonjour Alain. RTL. Ah, moi j'écoute les bonnes radios. J'écoute pas de la merde. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là? Oui, une dizaine d'années, ouais. Tu viens manger à la maison ce soir, tu veux? Si tu veux, ouais. Ouais, ça te dit? Tu viens vers, je sais pas, 17, 19? Ouais, comme d'hab. Et cette péniche, elle est habitée? Ouais. C'est chicos, là, ça non? Ça fait longtemps. Ah, je sais pas, je suis jamais rentré dedans. Parce que vous êtes vraiment collé à eux, hein? Parce que je sais même pas si c'est pas elle qui a, quand il y a eu la crue, qui a téléphoné à la fluviale. Pour venir me récupérer. Ouais, c'est lui qui a été litroyé. C'est passé aux infos. Je suis pas nagé. Mais je suis ouais, passé parce à la télé. Il y a des copains à moi qui me disent « Ah tiens, vous l'acteur. » Ouais, mais moi, je me fais pas doubler, moi. C'est le Belmondo du quai, en fait. Et il fait ses cascades tout seul. Je crois que c'est elle qui a téléphoné à la fluviale pour qu'il vienne me nettoyer. C'est quoi votre prénom ? Alain. C'est vous qui l'avez construite, votre cabane ? Elle était faite quand je suis arrivé. Quand je couchais dehors, j'ai un copain qui m'a dit, tiens, si tu veux, il y a une cabane qui est libre, et si ça t'intéresse, j'ai dit, bon, bah, je veux voir. J'ai été voir, puis j'ai dit, bon, ok, plutôt que de coucher dehors. Vous étiez où, dehors ? Un peu partout, et nulle part. Ça va, Stan ? Ça va, Stan ? Je suis dehors quand il fait beau, mais sinon, quand il fait froid, je suis chez moi. Et je me fais livrer du fioul par mon neveu qui habite sur Boulogne. Quand j'ai besoin de fioul, parce que l'hiver... Par exemple, l'hiver, il n'a pas l'électricité dans sa cabane. Il n'a pas l'électricité dans sa cabane. Ben non, elle a bien vu quand elle a vu, quand il l'a emmené. C'était une bougie qui éclairait ma maison. Vous êtes assez sombre chez vous, j'ai vu. Mais ça va, ça le fait. Hein. Je suis très bien comme je suis. Mais même l'eau courante, ça ne vous manque pas ? Non, je viens la chercher là, quand j'en ai besoin. Mais c'est très rare. Parce que généralement, j'achète, quand j'ai des sous, j'achète de la bière. Non, sinon on n'a pas de semaine. Non, moi je ne veux pas prendre. Quand tu vas à Avenue de Versailles, le nombre de personnes qui dorment dans la rue. Hein. Ah oui, on a bien ici. Hein. Tu me vois mal dormir avec une couverture sur une plaque d'égout. Hein. Ouais. Moi j'ai dormi, je me suis réveillé un matin avec de la neige sur le duvet. Le matin, quand on se lève... Les escaliers, les toits de bâtiment, tout ça, j'ai connu ça. Hein. Ah ouais. Ah non, on est mieux ici, il n'y a pas à dire. Hein. C'est clair. Et personne ne vous embête ici ? On n'a pas envie de vous déloger, c'est pas... Jusqu'à maintenant, non ? On n'embête personne ici, on est tranquille. On est tout seul, on ne demande rien à personne. C'est comme si on n'existait pas, en fait. Hein. Mais ils vont sûrement faire des choses, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont venir, donc... Bon, il y a encore 7 ans, mais ils vont certainement faire des choses, parce qu'il y a des gens qui vont se baigner, il va y avoir des courses, donc... Ouais, c'est ce que tu as dit pour les numéros, là. Parce qu'ils sont venus, taguer le pont, là. Tous les 10 mètres, il y a une trace. Donc ils vont certainement faire des travaux. Donc je pense que d'ici les JO, hein, c'est dans 7 ans, je pense qu'ils vont mieux virer d'ici. Pourquoi nous virer ? Ça dépend ce qu'ils vont installer. Ça ne dérange pas. Ça dépend ce qu'ils vont faire ici. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet de l'histoire des ports ? Or, c'est un peu le hasard, pour être honnête, mais c'est aussi tout simplement que j'habite pas très loin du port de Gennevilliers, un port immense, qui était un peu mystérieux pour moi, parce que quelque part, pendant des années, je ne savais pas que c'était le port. Mais je vois les entrepôts et les grands moulins de Paris, on voit d'immenses silos, on ne voit pas de bateaux. C'est pour ça qu'on ne sait pas que c'est le port, mais en fait c'est le port, et les bateaux sont juste en dessous. Des bateaux qui vont parfois jusqu'en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre via le cabotage. On a une ouverture sur le monde via la Seine qu'on n'imagine pas. Qu'est-ce que c'est qu'un port fluvial ? Il peut avoir plusieurs formes. Le port de Gennevilliers ou le port de Bonneuil-sur-Marne, en amont de Paris. Là, ce sont des ports dans l'acception traditionnelle, avec des quais, des darses, des bassins, des grues. Mais trois quarts du temps, ce qu'on appelle le port de Paris, c'est un ensemble de quais, de rives, qui peut être très mouvant en fonction des activités, en fonction des chantiers. Donc c'est un port qui n'est pas toujours palpable. Alors, il y a un autre atout que la Seine représente pour la ville, c'est tout simplement l'apport et l'arrivée des matériaux pour construire la ville. Alors, cet usage du fleuve va évidemment monter en puissance au cours du 19e siècle, et à un moment quand même où la ville va, de façon plus générale, en dehors des grandes opérations monumentales, se transformer. Et puis il faudrait aussi ajouter que la Seine servait aussi à évacuer tous les gravats et tout ce qui était détruit, parce que souvent quand on construit, on commence d'abord par détruire des vieilles choses. Donc pour la transformation permanente de la ville, la Seine est un axe absolument indispensable. Port à l'anglais pour Jaguar. Port à l'anglais, écoute. Bonjour, Eh ben voilà, Jaguar Orca. Là, je suis à Valence, chargé. Bonjour Pascal, quel est l'enfoncement? Oh, 2,70 m. Alors écoute, tu viens gentiment, pas avant un quart d'heure, 20 minutes pour la rive droite. Il y a un avalon en train de bassiner et je passe la consigne à la relève. Ok, bonjour David. Bien reçu. Je mollis. Vous êtes un bateau, plus vous poussez une barge à l'avant. C'est toujours votre mode de fonctionnement? Oui, un bateau de 600 tonnes avec une barge de 1200 tonnes, oui, parce qu'on est payé à la tonne, donc pour faire bouillir la marmite, il faut en prendre un max. Pascal Malbruno, batelier. Pour ce voyage, par exemple, nous avons chargé 1200 tonnes de pelettes de betteraves à Nogent-sur-Seine et nous avons complété 300 tonnes à Bray-sur-Seine. Toujours de la betterave? De pelettes de betterave, oui. Tu peux fermer la porte, s'il vous plaît. Ouais, j'ai le bateau qui est en train de rentrer en rive droite, il vous attend. Donc, vous pouvez venir tranquillement. Enfin, tranquillement, pas tranquillement. Vous pouvez venir avec lui, rive droite. Pardon, attention, parce que je vais avoir besoin de toucher aux manettes. Il faut que je calcule pour le passage dans Paris. Le passage dans Paris, on passe dans ce sens-là de 35 à 50 au pont Sully. Dans le sens... À Valence, quand on va vers Laval, vers la mer donc en l'occurrence. Donc je vais ralentir parce que voilà, c'est pas la peine, on va pas y arriver. Donc je vais continuer à descendre tranquillement. Vu que c'est moi qui paye le fuel. Parce qu'on traverse Paris avec un bateau équipé d'un moteur diesel, hein. Faut le savoir. C'est beaucoup de fuel consommé. Là, à ce régime-là, je suis à 50 litres à l'heure. 45-50 litres, là. C'est énorme. C'est énorme, vous trouvez? Ah ouais, non. Pour emmener 1500 tonnes de marchandises. Ça va prendre avec le Java et le Bounty, vous serez tous les trois. Faudrait beaucoup plus avec des camions. Vraiment beaucoup plus, énormément plus. Et il en faut 60 camions pour emmener tout ça autant que moi. Un camion, ça consomme 38-40 litres au 100. Voilà, mais c'est dit. Il n'y a aucun mode de transport qui peut rivaliser. Aucun. Il faut quand même en faire des kilomètres pour la voir, la Seine. La plateforme fait 400 hectares. Là, c'est pas la Seine encore. Ah. Vous voyez où vous voyez le train qui est passé là. Donc ça, là-bas, c'est la commune d'Argenteuil. Et en fait, la Seine, c'est le morceau de fleuve que vous voyez qui est là-bas et qui longe en fait finalement ici. Karim Lalmas, de la société Aropa Port de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, ici, là, vous êtes à l'intérieur du port de Gennevilliers. Vous avez un chenal principal et en fait, à l'intérieur, vous avez des darses qui coupent le chenal. Il faut savoir que le port de Gennevilliers, il a un oléoduc. Vous l'entendez souvent quand il y a des grandes grèves générales, on va bloquer le port de Gennevilliers. On ne bloque pas le port parce que c'est le port, on le bloque parce qu'il détient 30% du stockage de la région se fait sur le port de Gennevilliers. Et là-bas, on voit un empilement de containers. Oui. La particularité du port de Gennevilliers, c'est qu'il accueille le plus gros terminal à conteneurs de la région Île-de-France. C'est le plus gros hub de conteneurs. Et là, ce sont des conteneurs qui viennent du Havre. C'est quoi? C'est des produits manufacturés? Ça peut être votre pull, ça peut être des chaussures. C'est principalement des produits qui viennent d'Asie de toute façon. Mais effectivement, ça passe par là. Oula, ik begrijp een beetje, maar alleen als u langzaam praat natuurlijk, hè? Alternat, c'est à vers à 35. Is goed, dank u wel. Tot straks, hè? Tot straks. Je sais pas, vous avez appris où à parler le néerlandais? Eh ben alors là, je vais... En Hollande? Elle me m'entend ça. Ben oui. Puisque mes parents qui faisaient ça aussi, voilà, faisaient la Hollande et voilà. Mes parents ont des photos de mon frère et de moi, où on est grand comme ça, et en Hollande, à Amsterdam, à Rotterdam, partout. On est batelier de grand-père en petit-fils depuis toujours, depuis plusieurs générations. Depuis le XVIIe siècle, on a un Malbruno qui a acheté un bateau pour transporter ses marchandises dans l'Allier là-bas. Et voilà, il a continué. C'est ainsi que une branche de Malbruno est devenue est venue au transport fluvial. Dynastie de... Oui. Batelier ou marinier, on dit ? Alors maintenant, on va bientôt dire esclave. Pourquoi vous dites esclave ? Parce qu'on est... on travaille 12, 15, 18, même 24 heures par jour, s'il le faut. Et voilà, ce métier, il est devenu difficile. Perfect, d'accord, d'accord. Ben parce qu'on est, on est dépendant des négriers qui nous exploitent. C'est qui ces négriers ? Eh ben c'est ce qu'on devrait appeler des affréteurs, des commissionnaires de transport. Des courtiers ? Et des courtiers qui tirent les prix au plus bas, sachant très bien qu'on arrive à des tarifs qui sont en dessous des seuils de rentabilité. Ils veulent pas payer le service. Le travail à son juste prix, voilà. On n'a même pas les moyens de mettre des salariés. Là, vous voyez, il faudrait qu'idéalement j'ai deux matelots et on ne peut pas renouveler le matériel. Si je voulais, ce bateau est d'occasion, il date de 1950, donc il est super amorti. Bonne journée, au revoir. Professionnellement parlant, je devrais déjà avoir, comme l'a fait mon père il y a quelque temps, acheté un bateau neuf. Et c'est pas possible, on n'y pense même pas. Alors on est obligé de négocier pour avoir un voyage. On négocie pas le prix parce que c'est pas possible. Voilà, tiens, j'ai un voyage pour toi, pof. Et le prix, c'est ça. Soit je le fais, ou alors je le fais pas, et un autre le fera. Ça vous arrive de pas le faire ? Oui, bien sûr, oui, ça arrive. Et dans ce cas-là, je suis puni. Vous avez plus de boulot pendant quelques semaines. Je perds encore plus, forcément. Mais j'ai tenu ma fierté et je l'ai pas fait. Alors ça, on le fait de temps en temps. Donc tout ça tire les prix vers le bas, de plus en plus, jusqu'à faire tout pour rien. Par exemple, là, ça coûte combien, ce convoi, là ? Oh là, un voyage comme ça, c'est entre 12 et 13 000 euros. Et ça va vous prendre combien de jours ? Alors là, celui-là, comme on a attendu après, on va être 3 semaines occupés là-dessus. Alors que ce voyage, il peut se faire dans la semaine. Parce que vous avez attendu la marchandise ? J'ai attendu le voyage, tout simplement. Que le courtier me confirme qu'on allait faire ça, voilà. Mais là, vous n'êtes pas en train de foncer dans la pile à gauche, là ? Si. Oula. Bonjour, Pascal, derrière toi. Vous faites route, là, à Valan ? C'est ça, ouais, on attend l'alternat. Entendu, impeccable. Bon, je reste derrière. Vous occupez notamment des déchets du BTP. Oui. Et donc en ce moment, vous avez beaucoup de travail. Complètement. Par an, sont manutentionnés 20 millions de tonnes en région Île-de-France. Sur ces 20 millions de tonnes, en 2016, on a fait un record dans la filière des déchets de chantier, puisqu'on a réussi à faire manutentionner 4,5 millions de tonnes. Donc, plus de 25% des trafics sont liés à cette filière. C'est considérable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, actuellement, on est dans le cadre des projets préopérationnels du Grand Paris. C'est-à-dire la construction du métro. C'est-à-dire les 200 km de métro qui vont globalement cercler la proche couronne principalement, et qui relieront les aéroports de Roissy et de Orly en passant par Paris. C'est-à-dire qu'effectivement, on fort, et quand on fort, on doit évacuer des matériaux. Pour construire ces 200 km de tunnel, 45 millions de tonnes doivent être évacuées. 45 millions de tonnes, c'est pas considérable, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que c'est toute la région qui va être impactée. Et il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de sites en région Île-de-France qui sont capables d'accueillir tous ces matériaux. Du coup, il va falloir les envoyer un peu plus loin. Et c'est là que le transport fluvial rentre en jeu, puisque l'un des intérêts du transport fluvial, c'est justement de pouvoir massifier en faisant baisser le coût du transport. Aujourd'hui, le travail qu'on a pu réaliser avec le site du Grand Paris, on arrive à viser entre 7 et 8 millions de tonnes qui peuvent utiliser un transport alternatif. C'est-à-dire 7 millions... si vous faites un ratio, c'est entre 200 et 300 000 camions en moins sur la route. Donc pour le moment, on est vraiment en phase préopérationnelle. Les premiers tunneliers seront en activité à partir de 2018. Donc c'est 4 nouveaux ports qui sont spécifiquement dédiés à évacuer des blés de chantier, puisque ces ports sont clairement adossés au tunnelier. C'est-à-dire que le tunnelier, quand il commencera à creuser, ses produits sortiront et iront directement dans la péniche. Bah vous n'avez pas chômé alors dans les prochaines années ? Non, sachant que les JO viennent accélérer tout ça. De mémoire, je crois qu'il y a entre 2000 et 3000 logements à construire pour le village olympique. Il y a une nouvelle piscine olympique qu'il faut construire à Saint-Denis. Du coup, on n'est pas très loin aussi de la zone où le métro va se construire dans la zone de Pleyel. Donc il y a une certaine effervescence dans le milieu du BTP. Du coup, voilà, effectivement, on est très sollicité en ce moment. Quand on a appris que le Grand Paris allait se faire, nous, on s'est dit que là, on a une belle carte à jouer et que les perspectives de développement vont être très, très intéressantes pour le port. Jaguar Orca, Avalon, passe centrale au pont de la Concorde. L'usage du fleuve. Il y a un bateau montant dans l'autre sens. Bon, Isabelle et Gianni, c'est un bateau de plaisance, de transport de passagers. Vivre avec le fleuve. Mais voilà, je lance quand même un avis à la batterie. Une mission de Martine Abad, réalisée par Annabelle Brouard. Prise de son, Laurent Lucas. Mixage, Claude Niort. Merci à Arnaud Devial, Mylène Pardoen, Corinne Malbruno et Vanessa Girardot. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour nous écouter sur la berge, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, troisième épisode, quand le fleuve se fâche. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.